Assieds-toi sur mes Ray-Ban, je te dirai rien. Hey, Denis. Mande un scotch au barman. C'est ça, t'as raison. Ouais, ouais. Ouais, va lancer, va t'éclater. T'as demandé mon scotch au barman? La marque, je m'en fous, du moment que ça pique. Ah ouais, éclate-toi, ouais, c'est bon, tu danses bien. Ouais, double. Ouais, scotch double. C'est ça, t'as raison. À quelle heure on se tire? Ouais, embrasse-moi. Bon ben, en rond. Ça, t'as raison. Hey Didier, le goupil. Souriec. J'ai envie d'écrire une chanson de disco. T'as pas une idée, Didier? Ouais, t'as raison, on verra ça demain. Ouais, bah t'as que... Bah, demande-en deux, alors. Ouais, ouais. Avec du coca. Hein. C'est ça, t'as raison. Ouais, qu'on soit bien fait en rentrant. Oh bah, Dani, elle a bien une copine, t'inquiète pas. Hey, Dani, demande un scotch au barman. Bah, fais tomber une bouteille, va. Écrire un truc disco là. Bon bah en réalité ça nous éclate très bien. Ouais, on laisse tomber un avion, on se casse. Ouais, on rentre, on va s'éclater à la maison, on va écrire comme des fous. Il fait chaud, non, ici.